jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Je vois le temps dégrader son visage. Je l'aimais tant quand j'étais plus jeune. Je l'ai perdu de vue pendant des années. Je l'ai retrouvé sur OnlyFans. Hey, Akrapovic. Dans le drama à la Tony, je laisse ta baby mama à l'agonie. Je compte les pesetas dans la BM, car tout ce qui les intéresse c'est les billets. Elle m'a fait croire qu'elle était brésilienne, elle t'a fait croire qu'elle était lesbienne. Tous les deux soirs j'encaisse, mais tous mes espoirs sont en baisse. Tous les mecs qui m'ont donné envie de rapper quand j'étais petit sont en hesse. Jamais la tête baissée, je mens par politesse. Car la politesse c'est le seul mensonge qui est pas péché. Capiche? J'ai 2-3 livres des piqûres, je suis nostalgique du futur. Ne reviens pas si je t'attends, ne prends pas ma main si je l'attends. Cocktail, hôtel, problème, oseille. Même quand je suis réveillé, je fais de l'apnée, du sommeil. Hôtel, cocktail, problème, oseille. Même quand je suis réveillé, je fais de l'apnée, du sommeil. Hôtel, cocktail, problème, oseille. Je brûle la chandelle, parler debout. Je les entendais, parler d'un mot. J'brûle la chandelle, parler de vous. J'les ai. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Appelle les méchants, ils seront jamais plus méchants que nous. Je vois le temps dégrader son visage. Je l'aimais tant quand j'étais plus jeune. Je l'ai perdu de vue pendant des années. Je l'ai retrouvé sur OnlyFans. Hiver.